Bonjour mes frères et sœurs, et cette vidéo va être dans la catégorie des questions-réponses. Et nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous te remercions que dans ta grâce, tu nous permets d'être guidé et dirigé par ton Esprit Saint, que tu as fait habiter dans ton amour, dans ta grâce infinie, dans chacun des êtres humains. Et tu savais très bien que sans cet Esprit-là, on ne pouvait pas comprendre ce que tu veux nous dire, on ne pouvait pas te connaître. Et donc, on veut que par ton Esprit Saint, cet après-midi, que tu puisses nous donner de comprendre, je pourrais dire, une application de différents principes des Écritures, même si l'Écriture n'a pas un verset comme tel, mais que par l'ensemble de certains principes, on peut arriver à avoir une conviction profonde venant de toi. Notre Père, dirige-nous, parce que tout ce que nous voulons faire, c'est te servir et te glorifier. Parce que tu es le seul vrai Dieu dans le monde. Amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est suite à une rencontre de groupe, à un moment donné, qu'on a eue, on avait discuté sur comment faire ou qu'il était important de faire une différence entre la spiritualité et la personnalité. Si nous faisons pas la différence entre les deux, ça va probablement nous amener à avoir des fardeaux, nous amener à avoir des difficultés, ça va amener des problèmes entre les dirigeants et les croyants dans l'Église, ça va amener des différences entre les croyants, et ça ne nous donnera pas cette liberté, cette joie de servir le Seigneur. Donc, nous allons regarder ça un petit peu, essayer de faire la différence, malgré que je ne vais pas utiliser un verset comme tel, ou un texte comme tel, mais vous allez voir que ce que je vais dire, je prie le Seigneur que ce soit enrobé de toute la parole de Dieu, enrobé de différents principes de la parole de Dieu, et qu'on va tirer de la parole un principe, même si on n'a pas un verset toujours précis à donner, mais on pourrait mettre un ensemble de versets qui ferait qu'on pourrait donner peut-être un principe. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire en m'en allant. On dit souvent que Dieu, quand il crée quelqu'un, après l'avoir sorti du moule, il jette le moule. Vous avez entendu ça souvent. Il n'y a pas deux personnes dans le monde qui sont identiques, qui sont pareilles. Dieu crée des êtres uniques depuis des millénaires, et même si on pourrait mettre tout le monde ensemble qui a vécu sur la planète, il n'y aurait pas deux êtres pareils. Donc on est des êtres uniques, des êtres qui ont une personnalité unique, un caractère unique. Nous avons un physique qui est unique. Et même dans notre physique qui peut se ressembler, nous avons différentes possibilités, là. Comme il y a des gens qui viennent au monde très grands, très forts, avec une musculature et une ossature qu'on appelle de taureau presque, de bœuf, tellement qu'ils sont forts. D'autres viennent au monde un peu comme moi, petits, maigrichons, fluettes, dans le sens que je l'ai pas choisi. Si on m'avait donné le choix, j'aurais probablement demandé avoir un physique d'athlète. Mais on m'a demandé, je suis arrivé comme cela. Et même, il y en a qui sont, qu'on va dire des fois, agréables à regarder. D'autres, c'est moins agréable. D'autres sont infimes, d'autres sont en parfaite santé. Mais ça, c'est juste du côté physique. Et est-ce que c'est Dieu qui nous crée comme cela? Je crois que oui. Dieu crée chacun de nous, un peu comme David dit, « Tu m'as créé dans le sein de ma mère. Je suis une créature merveilleuse. » Peu importe comment Dieu nous a créés, c'est lui qui nous a créés. Unique. On a différents degrés d'intelligence. Et je dirais même différentes formes d'intelligence. On a différentes capacités et talents. D'autres sont très musicales, d'autres sont, ils font pas deux notes sans fossé. D'autres sont très forts au niveau des mathématiques. D'autres sont pas forts au niveau des mathématiques, mais sont très forts au niveau de la structure, de l'organisation. On est unique. On est unique dans le sens qu'on est masculin ou féminin. Si on a vécu le moindrement avec un conjoint, on sait très bien qu'on est différent. Même si on mettrait le même gilet, la même calotte, les mêmes paires de running, on sait très bien qu'en fin de la journée, on est bien différent. On est complémentaires, mais très différents. Nous sommes des êtres que Dieu a créés, et dès le sein maternel, quand nous sortons, nous sommes des êtres uniques. Il n'y aura jamais personne d'autre comme nous. Et là aussi, on est unique du côté culture, du côté social, du côté familial, du côté dans quelle génération je suis né. Le fait que je suis né avec ce que je suis en le 20e siècle, et si je serais né la même personne dans le 1er siècle, je n'aurais pas eu toujours le même comportement. Je n'aurais pas toujours pris les mêmes décisions. Je n'aurais pas fait les mêmes choix vestimentaires. J'aurais été influencé par ma culture, j'aurais été influencé par mon contexte géographique, économique. Nous sommes très différents, uniques dans notre façon qu'on a été élevés. Si vous prenez un jeune de 18 ans, né à New York, de parents millionnaires, et déjà très intellectuel, très brillant, avec des quotients intellectuels très hauts. Et si vous prenez un jeune de 18 ans qui est élevé dans le fin fond de l'Amazonie, et qui a un quotient intellectuel très moyen, élevé par des parents très moyens, avec des moyens très moyens, si vous les prenez tous les deux, vous les mettez dans une situation très précise, ils ne feront pas les mêmes choix, ils ne feront pas les mêmes décisions. Parce qu'ils sont des êtres uniques, dans des cultures uniques, dans des positions uniques. Ça, on n'a pas besoin, me semble, d'en discuter longtemps pour comprendre ça et d'être d'accord avec ça. Et l'être unique que je suis dans mon être personnel, intérieur et physique, et cette culture sociale, culturelle, géographique, religieuse dans laquelle je suis, et fait un ensemble, un mélange de ces deux choses-là, fait de moi un être très complexe et très unique. Et quand nous allons venir au Seigneur, nous allons arriver au Seigneur avec un arrière-plan religieux très unique. Chacun de nous, nos parents nous ont inculqué des valeurs spirituelles ou religieuses différentes, et des fois on a essayé de nous élever sans aucune valeur religieuse et spirituelle. Et là, Dieu me sauve. Et nous allons entreprendre notre vie chrétienne à des âges différents, dans des contextes sociaux différents. Nous allons entamer notre vie spirituelle à un âge différent. Si je commence ma vie spirituelle à 10 ans, où je suis sauvé par la grâce du Seigneur, et que si je suis sauvé, comme j'ai déjà vu, à 82 ans, et que ça va être différent, la façon de vivre ma vie chrétienne. Donc, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la spiritualité, vous allez voir ce que je veux dire par là, et ma personnalité. La spiritualité, C'est quelque chose qui est égal, qui est la même, qui est pareil pour tous les croyants, de tous les temps, de tous les âges, peu importe leur sexe, peu importe leur bagage culturel, peu importe leur bagage social, peu importe leur arrière-plan familial et religieux, peu importe le quotient intellectuel qu'ils ont, peu importe le physique qu'ils ont, la spiritualité ou ce qui est spirituel dans les Écritures, c'est pareil. Nous recevons tous le même esprit. Et ce même esprit vient avec les dons, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, et nous donne tous les mêmes fruits de l'esprit. Nous sommes tous nés de nouveau. Nous avons tous reçu la même vie qui est Jésus-Christ. Cette même vie éternelle qui est venue en nous, c'est la même. Dieu nous aime tous de la même façon. De la même amour. Dans toutes les générations des chrétiens, Dieu a un amour infini, éternel, absolu pour tous les croyants. Tous les absolus sont les mêmes pour tout le monde. Toutes les vérités doctrinales des Écritures sont les mêmes. Il y a un enfer pour tout le monde, il y a un ciel pour tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est pareil pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle des principes absolus. Tout le monde reçoit la même chose de Dieu. Oh, on va recevoir des choses différentes, qui vont nous rendre uniques. Des choses, des dons différents, qu'on dit. C'est pas facile de différencier entre les talents et les dons. On remarque que ceux qui ont les dons d'enseigner, bien souvent, ils enseignaient avant d'être chrétiens. Ceux qui ont les dons d'administrer, souvent, étaient des administrateurs avant. On n'en parlera pas de tous ces dons, mais les dons peuvent être différents, comme la personnalité est différente, mais ce qui va être pareil, c'est l'Esprit Saint qui m'a été donné pour utiliser mon don est le même pour tout le monde, et l'Esprit Saint qui va m'amener à utiliser mon don a le même but pour tous les croyants, glorifier Dieu et Jésus-Christ. Ça, c'est la spiritualité. Maintenant, la personnalité, c'est la mise en pratique de ma foi. Si je recule un pas, l'ensemble de la foi qui a été transmise à l'Église une fois pour toutes, qu'on a vu ensemble dans Jude, c'est la même foi pour tous les croyants. Nous devons tous croire la même évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un évangile pour toutes les générations de tous les temps. Né en Amazonie, né à New York, né à Londres, né à Montréal, né à Victoriaville, c'est la même évangile partout et c'est seul cet évangile-là sauve. Jésus-Christ est le même pour tous les temps, pour tout le monde. Dieu est le même. La parole de Dieu est la même pour tout le monde, dans différentes langues, bien entendu. Mais la mise en pratique de cette parole-là, comment l'Esprit-Saint va me conduire dans ma vie chrétienne, ça va être différent. Là, ma personnalité unique, mon caractère unique, ce que je suis qui n'a pas d'autre de même dans le monde, va vivre sa vie chrétienne différemment de tous les autres. C'est comme ça que Dieu le veut. C'est lui qui m'a créé unique. Et il y a un but à m'avoir créé unique. Il sait, lui, si j'ai 150 de quotient ou si j'en ai 50. Il sait que ça va être différent. Il m'a créé différent. Il m'a créé homme et femme. Il sait que ça va être différent, la mise en pratique de la foi. Quand il me dit d'aimer mon conjoint, ça va être différent. La mise en pratique, mais je dois avoir l'amour. L'amour vient de Dieu et l'amour de Dieu est en moi et je vais aimer. Ma mise en pratique va être différente. De la façon que je vais servir ça va être différent selon les dons, les capacités, la personnalité que j'ai, l'âge que j'ai, l'éducation que j'ai, le contexte socio-culturel va être différent, ça va m'amener à la mise en pratique différente. La façon que je vais m'habiller pour être chaste et pur, ça va être différent aujourd'hui que dans le temps, là. La façon que je vais glorifier Dieu avec mes chants, ça va être différent. La façon que je vais jouer la musique, ça va être différent dans ma génération, mais aussi dans ma personnalité, ça va être différent. Moi, quand je choisis les chants, c'est toujours les chants mollo. J'ai une personnalité comme ça. J'aime la balade, j'aime la musique semi-classique, ou ce qu'on appelle des fois New Age. J'aime ce qui est lent, en général, même dans la musique. Mais ça, c'est ma personnalité. Ça n'a rien à voir avec ma spiritualité. Ma spiritualité, elle, va vouloir glorifier Dieu dans mon chant. Peu importe la spiritualité que j'ai, la personnalité que j'ai, l'âge que j'ai. Quand je chante, on a tout le même but, glorifier Dieu. Et dans nos églises, quand on ne tient pas compte de cela, misère de misère. C'est pas facile. On amène les gens tous dans une même place et on voudrait qu'ils fassent toute la même chose, de la même manière, au même moment, au même temps. Mais des fois, on oublie qu'on a une personnalité, un caractère différent. On a un arrière-plan religieux différent. J'ai vu des gens se convertir d'un arrière-plan très rigoureux, religieusement parlant. Et on pouvait le voir encore après 20 ans. Ça les marquait encore. J'ai vu que ceux qui avaient été sauvés, des fois, sans aucune pratique religieuse, complètement aucune pratique dans leur arrière-plan, ça paraît encore après 10 ans, ça paraît encore après 15 ans. Les gens qui ont une personnalité très spontanée, très sociale ou sociable, mon ami, c'est différent que l'introverti qui est très retiré et gêné. Ne mélangeons pas spiritualité avec personnalité. Ma façon que je vais vivre ma foi dans l'Église va être très différente si Dieu m'a donné un don d'enseigner ou m'a donné un don de servir. Mais on sert tous les deux Dieu, on a tous le même but. Notre spiritualité est la même. Servir le corps de Christ pour la gloire de Dieu. Peu importe ce qu'on fait. Et ça va se manifester dans différentes façons. J'avais un frère que j'ai connu qui venait jamais à l'église le dimanche matin. Il était ce qu'on appelle un oiseau de nuit. Donc, il aimait mieux venir le dimanche soir. Il ne venait jamais dimanche matin. Les gens ont-tu essayé de l'emmener à venir le dimanche matin? Puis, il faisait sentir coupable parce qu'il n'était pas là le dimanche matin. J'ai dit, laisse donc ton frère tranquille. Laisse donc ton frère tranquille. Ça, c'est sa personnalité. Ça n'a pas rapport avec sa personnalité, avec sa spiritualité. J'avais un frère qui ne venait jamais le dimanche. Il n'aimait pas la forme que ça prenait le dimanche. Mais il venait le mercredi soir dans le petit groupe. Puis il venait le vendredi soir dans un cours de Sambec qu'on donnait. Ça, il aimait ça, puis il était tout le temps là. Puis il était prêt à payer le gros prix pour son cours de Sambec. Ça lui coûtait des centaines de piastres pour prendre le cours de Sambec. Mais il était prêt à payer plus même. Parce que ça l'intéressait. Il avançait dans sa foi. Parce que c'est une personnalité qui était comme ça. Ça n'a rien à voir avec sa spiritualité, mais sa personnalité. Mélangeons pas les choses. Il y en a qui sont capables d'évangéliser n'importe où, n'importe quand, sur la rue, des maisons, des restaurants, se lever debout, puis prier, puis n'importe quoi. On appelle des hommes qui ont le front large, hein? Des femmes qui ont une capacité, une personnalité forte. Ils aiment confronter, ils aiment exposer, ils aiment débattre. D'autres se retirent très doucement, ne vont jamais prendre vraiment la parole en public, Mais ils vont parler doucement, tranquillement, à quelqu'un individuellement. Ils vont même être, des fois, ils vont attendre d'être seul avec l'autre pour y parler. Ça n'a rien à voir avec leur spiritualité. C'est de la personnalité. Il y a des gens d'entre nous, mes frères et sœurs, ça va peut-être vous surprendre ce que je dis là. À cause de leur personnalité, vont rarement lire la Bible. Parce qu'ils n'ont pas eu une grosse éducation. Il y en a qui ne savent même pas lire. Ils n'essayent pas de le faire. La Bible, ils ne savent pas lire. Mais ils ont une soif de connaître Dieu. Ils vont poser des questions. Ils vont toujours être en train d'écouter quelqu'un qui parle. Ils vont écouter des vidéos, ils vont écouter un enseignement sur la parole de Dieu. Ils vont aller s'asseoir à deux, trois réunions dans une semaine. Mais parce qu'ils apprennent. Bon, il y avait une fois, il y avait un frère qui était venu voir et il dit, François, j'ai tellement de misère. Il n'avait pas une grosse capacité intellectuelle, puis il n'avait pas été à l'école longtemps. Il n'avait même pas fini son primaire. Il dit, quand vous prêchez, vous nous dites de lire la Bible, j'essaye, j'arrive à la fin de la page, puis je ne suis pas capable. Il a le même esprit que vous. Il a même amour de Dieu que vous. Il veut bien connaître la volonté de Dieu. J'ai dit, mon frère, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Mais il dit, comment est-ce que tu aimerais apprendre? Mais il dit, j'aimerais poser mes questions. J'ai des questions qui me viennent, puis j'aimerais les poser les questions. Mais il dit, je vais venir te voir. Je vais venir te voir, je vais essayer de répondre à toutes tes questions, à toi individuellement, pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu nous enseigne. Puis c'est un homme qui avait une soif. Mais il ne lisait jamais la Bible. T'es pas capable? T'es-tu moins spirituel que les autres? Ben non! Ben non! Le nombre de fois que je lis, le nombre d'heures que je lis, le nombre de fois que je parle du Seigneur ne reflète pas ma spiritualité, mais ma personnalité. Ma personnalité. Ne mélangeons pas, frères et sœurs, les deux. Ne mélangeons pas les deux. Réjouissez-vous plutôt de ce que Dieu vous a donné en tant que personnalité. Puis parce que probablement, je dis probablement, je dirais certainement, Dieu va vous utiliser dans des situations que si moi j'irais, la personne n'écouterait pas. On a conduit un couple au Seigneur une fois. J'avais vu ce couple-là bien des fois. Et dans ma personnalité, je ne les ai pas approchés. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Puis leur comportement me laissait un peu comme distant. Personnalité. Mon épouse, dans sa personnalité très joviale, très sociable, les a approchés. Les inviter à souper. Je leur ai parlé après. Ils se sont convertis. Qui est plus spirituel? Pareil, les deux. Chacun selon sa personnalité, chacun selon ses capacités, ses talents. Dieu a béni. Ne mélangez pas ça, frère et soeur. Donc, sentez-vous pas culpable. Coupable ou accusé inutilement quand on essaie de vous faire faire des choses qui ne vont pas avec votre personnalité. Si vous n'enfreignez pas un principe de la parole de Dieu, si vous n'enseignez pas le spirituel, si vous ne diffamez pas, injuriez pas, désobéissez pas à un principe de la parole de Dieu que tout le monde doit faire, vous pouvez faire ce qui vous plaît. Vous pouvez faire ce qui vous réjouit, ce qui va avec votre personnalité. Et moi, je vais vous dire quelque chose que j'ai expérimenté, frère et soeur. Je vais vous le dire. Vous allez être plus efficace si vous allez avec votre personnalité qu'avec la personnalité qu'on voudrait vous forcer à faire. Et si vous êtes des enseignants de l'Église, si vous êtes des administrateurs dans l'Église, mes frères et sœurs, tenez compte de cela quand vous enseignez. Donnez aux gens des principes, des vérités. Laissons l'esprit leur faire comprendre et l'appliquer dans leur vie et les diriger afin qu'ils la mettent en pratique selon leur personnalité, leur âge, leur don et talent, leur arrière-plan, leur contexte social et culturel. Combien de fois on a fait ressortir comment les gens qui vivaient dans des pays communistes, qui souffraient, comment ils étaient spirituels parce qu'ils confrontaient leur génération avec l'Évangile. Quand nous, on a la liberté au Québec de faire ce qu'on veut avec la Bible, on peut en laisser partout à peu près, on peut en parler partout à peu près. On n'est pas moins spirituel pour ça. On est juste dans un contexte social, culturel différent que les autres. Vivons notre vie chrétienne comme des chrétiens qui sont uniques. Uniques. Tous les mêmes principes pour nous diriger. Mais des milliards de façons de le mettre en pratique. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres questions qui sont été soulevées par ce que j'ai dit, écrivez-moi. Prenez le courriel, puis écrivez-moi, puis posez-moi la question. Et je vais me faire un plaisir, par la grâce de Dieu et du voulant, pour vous répondre. Notre Père du ciel, de voir ces millions d'êtres qui forment le corps de Christ, tous uniques, ça me pousse à te glorifier, ça me pousse à te louer, ça me pousse à t'adorer. Parce que juste toi, par ton esprit qui peut emmener tout ce monde à former un corps et travailler avec toi à ton œuvre. C'est par ta grâce que nous pouvons vivre ensemble, étant si différents les uns des autres. Seigneur, donne-nous la liberté de donner la liberté. Donne-nous la force, la grâce de ne pas comparer nos personnalités, de ne pas juger et condamner la personnalité de l'autre que tu lui as donnée. Je peux reprendre si enfreint quelque chose de spirituel, un principe des Écritures. Je peux parler, encourager, instruire, reprendre, mais jamais la personnalité. Oh Seigneur, tu me connais et tu sais combien de fois je n'ai pas fait cela. Mais dans ta grâce, tu m'as pardonné. Dans ta grâce, tu m'as aimé. Dans ta grâce, tu m'aimes encore. Et dans ta grâce, tu m'aimeras toujours. Bénis, Seigneur, chacun de nous, avec les capacités que tu nous as données, afin qu'on puisse te servir et te glorifier, uniquement comme tu nous as créés uniques.